Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Pendant près de 200 ans, elle a servi en France afin d'accorder à tous, disait-on, une mort égalitaire. La dernière fois, c'était en 1977. Elle fut enterrée définitivement en 1981, après l'abolition de la peine de mort. C'est heureusement un lieu de mémoire. Rediffusion d'une émission proposée pour la première fois sur France Culture le 13 novembre 1997, consacrée à la guillotine. Lieu de mémoire, la guillotine, Anice Clément, Pascal Rayet. Qu'est-ce que c'est qu'une guillotine ? C'est une machine à décapiter. Et pourquoi en fait ? Parce qu'on a toujours considéré que couper la tête de quelqu'un, c'était le meilleur moyen de le mettre à mort. Ça va très vite. Et ces machines sont destinées en fait à pallier à la fébrilité du condamné et à la maladresse du bourreau. C'est très difficile de couper un cou. Il y a une colonne vertébrale qui est très solide et qui résiste. Donc, et il faut que ce soit fait en un instant, parce que si on s'y reprend plusieurs fois, ça devient insupportable, insoutenable pour le public. Bien entendu, il y a eu des exécutions ratées. D'abord, quand on décapitait, non pas en France avec une hache, mais avec ce qu'on appelait une épée à feuilles, c'est-à-dire une lame large et fine. Et aussi, avec la guillotine, il y a eu des ratages, parce qu'elle avait été mal montée, pour toutes sortes de raisons. Il est arrivé qu'un lambeau de peau empêche la tête de tomber. Alors le bourreau sortait ce grand couteau de boucher, en somme, et discrètement tranchait ce lambeau de peau. Ça, sont des détails assez horribles, mais enfin, ça a existé. C'est ça, la peine de mort. C'est ça, la guillotine. Il faut que les gens le sachent. Procédons maintenant à la lecture de la sentence. Vu la loi du 23 Ventose, Lacroix, Danton, Hérault, Philippot, Westermann, Desmoulins, Pavre, Chabot, Delaunay, Bazire et leurs complices sont condamnés à mort. Leurs biens seront confisqués au profit de la République en vertu de la loi du 20 Nivose. La sentence sera exécutée dans les 24 heures sur la place de la Révolution à Paris et affichée dans toute la République. Avril 1792. Nicolas-Jacques Pelletier, condamné à mort pour coup et vol, premier homme à être guillotiné en France. 10 septembre 1977. Hamida Djandoubi, 28 ans, condamné pour viol et assassinat, dernier condamné à mort à être guillotiné en France. Entre ces deux hommes, pendant presque deux siècles, l'instrument de mort, imaginé par Joseph Ignace Guillotin, aura rempli son rôle politique et social. Effroyable et barbare, inscrite à jamais dans notre mémoire collective, celle qu'on appelait la bascule à Charlot, le rasoir national, le raccourcisseur patriotique, la cravate à capet ou la veuve, n'a pas fini de hanter nos imaginaires. Mais la guillotine ne fut pas seulement une machine à couper des têtes. En extirpant le mal, elle enfonçait son couperet au cœur de la nation et régénérait le pays tout entier. D'un coup net et précis, elle devenait productrice de sens, celui des valeurs républicaines et de l'idéal révolutionnaire. Et la course descendante de la lame était aussi la mesure du temps, mise à mort de l'ancien régime, république, terreur. Voici donc la méchante histoire de la guillotine qui réussit ce paradoxe. Être une perfection dans l'art de la mort, tout en condensant des idées de civilisation, de modernité et d'humanité. Pourtant, il nous est difficile aujourd'hui d'imaginer que cet instrument de mort archaïque fût une invention humanitaire. Daniel Arras. On peut même dire que la guillotine, en fait, est une machine des Lumières. Et quand, en décembre 1789, le bon docteur Guillotin propose à l'Assemblée une machine à couper les têtes, une simple mécanique pour décapiter les condamnés à mort, eh bien, il pouvait faire penser qu'il faisait œuvre effectivement humanitaire, œuvre de médecin éclairé, de médecin du siècle des Lumières. Parce qu'il faut se rappeler que les mises à mort ordinaires d'Ancien Régime étaient l'occasion éventuellement d'affreux supplices. Hein, d'affreux supplices et contre le supplice de la roue, par exemple, terrible, eh bien, la guillotine, rarement appliquée la roue, hein, mais malgré tout existante, la guillotine, elle, propose une mort instantanée. Par ailleurs, guillotin pouvait penser faire une bonne œuvre dans la mesure où il n'inventait pas une machine extraordinaire dont on n'avait jamais entendu parler. La guillotine, ou plutôt la machine à décapiter, puisque la guillotine n'existait pas encore, la machine à décapiter était connue en Europe. Bien avant la France, eh bien, par exemple, les Anglais, ou les Écossais plutôt, avaient une machine à décapiter qui est toujours conservée au musée d'Édimbourg et qu'on appelait la maiden, la jeune fille. En fait, guillotin se contentait, dans le fond, d'introduire, de proposer l'introduction en France d'un modèle qui, dans la conscience des Français, était en fait, à cette époque-là, anglais. Enfin, troisième élément moderne dans l'idée de la proposition de guillotin, eh bien, c'est que c'est une mort égalitaire. Quel que soit le rang du coupable, qu'il soit noble ou roturier, il aura la tête tranchée, il aura par l'effet d'une simple mécanique, et ce simple choix était une décision politique significative à l'époque, car il faut se rappeler que la décapitation était réservée à la noblesse. Et en proposant la guillotine pour tout le monde, eh bien, guillotin était effectivement un médecin des Lumières, un médecin en tout cas philosophique, car comme on l'a très vite dit après, il proposait, et je cite de mémoire hein, ce qu'on a dit à ce moment-là, il proposait dans le fond de faire monter la roture à la noblesse du billot, plutôt que de faire descendre la noblesse à la honte du gibet. Donc ce n'est pas Guillotin qui a inventé la guillotine, ce n'est pas lui qui l'a fabriquée. En fait, il propose cette simple mécanique en décembre 89, mais il semble qu'il ait fait un discours assez maladroit. On parle d'un effet de rhétorique trop fort, où il aurait exalté par description de sa machine, suggéré que eh bien, quand le couteau tombait, on n'avait pas l'impression d'avoir la tête tranchée, qu'on ne sentait qu'une simple fraîcheur, etc. Toujours est-il qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il a dit, mais une chose est certaine, l'Assemblée a éclaté de rire à sa proposition. C'était évidemment un mauvais début, un début en tout cas inattendu quand on pense à ce qui allait se passer seulement quelques années plus tard. Et le succès comique du discours de Guillotin est tel qu'à ce moment-là, très vite, alors même qu'on ne pense absolument pas à fabriquer la machine, eh bien, on invente le mot de guillotine. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on fait des chansons, naturellement, tout se termine en chansons, et guillotin machine, c'est magnifique, à la rime de dire guillotine. Et donc, dès 89, eh bien, on parle de guillotine dans les chansons, et puis en fait, après, on oublie, on n'en parle plus tellement, car on ne la fabrique pas du tout, pas en 89, on ne la fabrique pas non plus en 90, on ne la fabrique pas non plus en 91. En 91 seulement, on décide, hein, on prend finalement le problème de la peine de mort. Premièrement, on maintient la peine de mort, contre l'avis de Robespierre qui voulait l'abolition de la peine de mort, on maintient la peine de mort, et deuxièmement, on décide que tout condamné aurait la tête tranchée. À partir du moment où tout condamné aura la tête tranchée, un seul bourreau et une épée n'y suffit pas. Fabriquer des épées de bourreau coûte très cher. On repense à ce moment-là à la proposition de Guillotin. On lui demande de bien s'en occuper, mais outré que la machine s'appelle déjà Guillotine, Guillotin refuse de s'en occuper. Et c'est à ce moment-là, très normalement, le docteur Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, qui reprend son idée, demande l'avis du bourreau, améliore le dispositif traditionnel, il imagine un couteau oblique. Et la machine est finalement fabriquée en 92, entre autres par enfin, le fabricant qui réussira à obtenir le brevet et espérer faire fortune et connaître la loi, d'un facteur de piano allemand, Tobias Schmidt. On fabrique donc la machine et elle fonctionne pour la première fois sur un simple particulier qui avait volé un portefeuille bourré d'assignats et qui, naturellement, a été tranché pour ce crime épouvantable. Député guillotin dans la médecine, par les experts et très malin, fit une machine pour purger le corps français de tous les gens à projet. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. Pour punir la trahison, la haute rapine, les amateurs de blason, les gens qu'on devine, voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine, okay, c'est la guillotine. À force de comploter, la horde mutine a gagné sans y penser, migraine maligne. Pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mènera. Oh, la guillotine. à la guillotine. La nouvelle machine à décapiter devant fonctionner pour la première fois, le peuple était accouru en masse et il s'est produit ce qui devait se produire du point de vue de l'humanité et des Lumières, c'est qu'il n'y a plus de spectacle. Il n'y a plus de spectacle. La chute du couteau était si rapide que, comme l'a dit par la suite, certains spectateurs, eh bien, on n'a pas le temps d'être ému. Hein, on n'a pas le temps d'être ému. Et donc la guillotine, en elle-même, remplissait sa fonction humanitaire, hein, élever l'humanité et ne pas susciter la bête en l'homme qui regarde la mort de son prochain. L'agonie, ça supprime l'agonie, en fait. Ça supprime l'agonie, on va y revenir. Ça supprime cette longue lutte du mourant contre la mort. Et en même temps, ça supprime le fait que la personne qui regarde ait quelque chose à voir. Il n'y a rien à voir. Lamartine en parle très bien. Et le sang, quand même. Vous savez, le sang, ça dépend de la distance à laquelle on se trouvait de l'échafaud. Car si on est tout près de l'échafaud, on peut être même arrosé de sang, parfois. Mais en général, le peuple était assez loin de l'échafaud, donc le sang se répandait sur l'échafaud. Et n'oubliez pas qu'une exécution... Bon, c'est vrai, nous avons, je crois, 5 ou 7 litres de sang dans le corps. C'est pas énorme. C'est pas énorme, 5 ou 7 litres de sang. Bon, quand il y a, en revanche, 30 condamnés exécuté par jour, ou 45, comme au moment des pires de la terreur, là, multiplié par 5, ça vous fait 200 litres de sang. C'est vrai que ça commence à faire une masse de sang sur le sol même, assez répugnante, d'autant plus que les chiens viennent le lécher, etc. Bon, alors on a souvent des scènes finalement horribles, et ça sera la catastrophe de la guillotine. Mais au départ, la guillotine remplit sa mission en annulant le spectacle. Résultat, le peuple revenant de l'exécution, chantait, paraît-il, dans les rues de Paris, « Rendez-nous la potence, rendez-nous la potence ». Et surtout, c'est une mort intime, enfin, c'est quelque chose presque d'obscène. Elle est faite pour annuler la souffrance, pour annuler la durée de la mort, pour annuler le spectacle. Et dans les premières images qui représentent la machine de M. Guillotin, avant qu'elle soit fabriquée en 89, on voit une image inspirée des gravures du XVIe siècle où les machines à décapiter existaient déjà, étaient déjà bien représentées dans la tradition. Et le graveur met un prêtre qui donne, au moment où il donne l'absolution au condamné, tout près de de son oreille, de sa bouche, fait le geste au bourreau qui coupe la corde. C'est-à-dire que le condamné est absous dans l'instant de la mort. Bien, c'est ça le point de départ, c'est qu'il fallait que cette intimité de la mort, comment dire, en même temps le condamné puisse accéder au pardon en se repentant à l'instant de la mort. Et donc là, effectivement, une intimité très forte dans l'instant. Le point, évidemment, c'est que le confesseur n'a jamais été ensuite sur l'échafaud à côté du condamné, et que ce qui était donné à voir, à ce moment, c'était cet instant absolument intime, le seul, dans le fond, où l'homme ou la femme est seul avec lui-même, qui est celui où il meurt. Car quand il n'est pas seul, mais quand il meurt, il est seul. Et cette intimité de sa propre mort était mise à la vue, dans le fond, du public, mais curieusement, vue invisible, car on ne pouvait pas voir cet instant de la mort. Donc vous voyez, il y a toujours une situation paradoxale et complexe autour de cette mort publique et intime de la guillotine. Le 21 janvier 793, Capet, tyran dernier, qu'on nommait Louis XVI, a reçu ses étrennes. Pour avoir conspiré, ce fuyard de Varenne est donc guillotiné. Michel Vauvel, après la première exécution, celle du 25 avril 1792, la guillotine donc est entrée en fonction. Alors c'est un événement sensationnel évidemment, et tout un cérémonial va commencer à se mettre en place. Par exemple, on va exposer la guillotine. On la met en place publique, mais j'ajouterai, on n'en abuse pas, et notamment dans le domaine politique. Ce que prouve, par exemple, la rareté des évocations, c'est au printemps, et surtout à partir du 10 août 92, dans le procès des responsables du massacre des patriotes lors de la prise des Tuileries, qu'il y aura une exécution collective. Mais dans la presse, dans les révolutions de Paris, un des journaux les plus connus, la première image que nous voyons est l'exécution de 9 jeunes émigrés qui ont été rattrapés dans la clandestinité et dont on présente le supplice avec une réelle modération. Le plus vieux, dit-on, n'avait pas 30 ans. Donc l'opinion ne se précipite pas sur le spectacle, si vous voulez. Et somme toute, c'est lorsque la pression même de la lutte acharnée contre la contre-révolution intérieure et contre l'agression extérieure va conduire à l'établissement du régime de la terreur. Ce régime de la terreur mis à l'ordre du jour à partir de septembre 1793, que la guillotine va trouver son emploi et que va commencer cette sorte d'escalade qui caractérise l'année suivante jusqu'à Thermidor et même encore au-delà. Mais avant cela, Michel Vauvel, il y a quand même eu un événement d'une ampleur symbolique énorme, c'est la mort du roi. Oui, je pense que l'on peut faire de la mort du roi au niveau de l'histoire symbolique de la guillotine, de la place qu'elle tient dans l'imaginaire national, l'événement fondateur au 21 janvier 93. Par la décapitation du roi, on fait beaucoup plus que rééditer ce qu'avaient fait les Anglais 150 ans plus tôt en décapitant Charles Ier. Ce que l'on a voulu trancher, c'est tout un système de hiérarchie, de représentation et de sacralisation. La mort du roi, c'est une désacralisation qui est ressenti et qui reçoit par là même un écho considérable dans les deux sens. Entendons que si l'on se fie à l'image qui est extrêmement expressive, il y a tout un flot d'images sur l'exaltation de la guillotine comme instrument d'éradication radicale. Ce sont les gravures terribles de Villeneuve en particulier. Cette main qui présente la tête coupée du roi, ecce veto. Et c'est, vous le voyez bien, c'est la Gorgone, c'est la Méduse. Il s'agit de terrifier l'adversaire. Et Villeneuve récidive, présentant Louis XVI tel un nouveau Saint-Denis, s'en allant aux enfers avec en portant sa tête à la main pour visiter la galerie des autres décapités qui l'attendent sur les rives du Styx. Il y a là un discours de proclamation par l'image auquel répond, pour faire vite si vous le voulez, l'autre discours tel qu'il se développe non point en France mais à l'étranger, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, et qui est le discours au contraire de l'hagiographie royale. Cette hagiographie royale sur le thème des derniers moments de Louis XVI, sur le thème de sa marche au supplice, de sa décapitation, mais aussi de son apothéose, fils de Saint-Louis monté au ciel. Oh, mon peuple, que vous ai-je donc fait ? J'aimais la vertu, la justice, votre bonheur fut mon unique objet, et vous me traînez au supplice, et vous me traînez au supplice. Pourquoi, dans le fond, me suis-je intéressé à la guillotine, moi qui m'occupe d'histoire de l'art et d'histoire de l'art italien en particulier. Ce n'est pas parce qu'il est d'origine italienne, car les premières images, en fait, dès le XIVe siècle, sont italiennes. On a déjà le machine décapitée en Italie au XIVe ou au XVe siècle. Mais c'était, comment se fait-il qu'en France, personne ne s'intéresse à la guillotine, comment se fait-il que les historiens de la Révolution, sauf les historiens hostiles à la Révolution, et qui donc feront la guillotine l'emblème horrible de la Révolution, comment se fait-il qu'on ne se soit pas intéressé à travailler sur la guillotine? Alors, à ce moment, j'ai approché cet objet comme historien que je suis, mais aussi historien des images. Et donc, ça a été l'imaginaire de la guillotine qui m'a intéressé, les images qu'elle a produites ou les images qu'on a produites à son sujet. Et de ce point de vue, un des premiers points, cette machine humanitaire, cette machine qui devait annuler la souffrance, qui devait rendre la mort égale pour tous et qui devait annuler le spectacle de la mort pour les spectateurs et donc humaniser le bourreau lui-même. On disait le bourreau sera enfin un homme humain, hein, parce qu'il ne touchera plus le condamné, il ne se souviendra plus de ce contact terrible corps à corps avec le condamné. Donc cette machine humanitaire et douce, eh bien, a produit une catastrophe imaginaire. Le premier point, dans le fond, ça a été très rapidement métaphysique. C'est-à-dire que la guillotine, en réduisant la mort à l'instant, en un point d'instant, hein, en un point du temps, qu'on n'a pas le temps de voir, eh bien, la guillotine, du même coup, Guillotin n'a pas pu le prévoir, ni le docteur Louis, ni les législateurs, eh bien, portait atteinte à un des points fondamentaux de l'imaginaire occidental sur la mort, quant à la mort, qui est ce qu'on appelait à l'époque l'aura mortis, l'heure de la mort, le passage du vivant au mort, c'est-à-dire le mourant. Avec la guillotine, il n'y a plus de mourant. Hein, il y a un vivant absolu, complet, et un mort que l'on suppose immédiatement mort. Oui, évidemment, alors, en ce qui concerne la mort immédiate, alors, c'est posé là, bien des questions. Oui. Voilà, c'est là que l'interrogation, à la fois métaphysique et imaginaire, s'est posée. Dans le fond, l'imaginaire a refusé cette fin de l'ora mortis. On a automatiquement, si j'ose dire, imaginé une survie. Une survie après la décapitation, d'où toutes les histoires extraordinaires de la tête consciente après avoir été coupée. Alors bien sûr, on renonçait au fait qu'elle aurait pu parler, hein, comme on l'avait déjà dit pour Mary Stuart, qu'elle aurait encore dit des mots après avoir été coupée. Non, parce que comme pour parler, il faut des poumons, comme il faut de l'air, bon, donc elle ne peut plus parler. Mais à ce moment-là, on a imaginé qu'elle était consciente, que son regard ou que le sang qui restait encore dans la tête pouvait manifester les émotions. Et le plus beau texte sur ce point est celui qui concerne Charlotte Corday. Charlotte Corday, dont le parcours avait été particulièrement émouvant, avec une foule considérable, qui aurait été si belle, et elle avait tué l'ami du peuple, etc. Bon. Bien, Charlotte Corday est décapitée, et le bourreau croit faire bien, en montrant la tête au peuple, comme il devait le faire, selon un geste hautement symbolique lui aussi, croit faire bien en giflant la tête. Et à ce moment-là, la tête a rougi d'indignation. Et le peuple, qui devait crier « Vive la nation !», mais « Vive la nation !» s'est étranglé, si je veux dire, dans la gorge de la foule qui assistait à cela. La mort de Charlotte Corday a suscité un nombre de discussions, d'avis considérables, car elle était la preuve, devant tout le monde, que la tête coupée pouvait rougir d'indignation et prouver un sentiment. Il a fallu en fait à peu près un mois pour que quelqu'un fasse la bonne hypothèse, selon nous aujourd'hui, c'est que c'était la main du bourreau qui avait du sang, tout simplement, et que c'est la gifle qui a fait rougir la joue de Charlotte Corday. Mais il ne reste pas moins que le débat était lancé, et c'est Cabanis qui l'a très bien posé, c'est, mais alors, où est le moi? Le moi est-il dans... C'est-à-dire, la conscience de soi est-elle, cette conscience est-elle dans tout le corps, ou a-t-elle un lieu spécifique et privilégié qui serait la tête? Et à ce moment-là, les problèmes devenaient très très riches, et d'ailleurs la guillotine, en ce sens, contribuait à une réflexion théorique et aussi politique sur ce que c'est qu'un corps et l'unité d'un corps. Car où est la conscience du corps? Est-elle dans l'ensemble de ses membres, ou est-elle concentrée en un point qui serait le cerveau, qui serait la tête? C'est vrai pour le corps physique, c'est vrai aussi pour le corps social et le corps politique. La guillotine devenait aussi une machine à faire penser la politique. Il est temps maintenant de mourir. Camille Desmoulins confie à Samson une mèche de cheveux pour qu'il la porte à la mère de sa femme. Danton monte sur l'échafaud alors que son prédécesseur, héros de Seychelles, n'est pas encore bouclé. Il veut l'embrasser. Les aides s'y opposent. Danton s'écrie : Les imbéciles, empêcherez-vous nos têtes de se baiser au fond du panier ? Il regarde son ami mourir sans sourciller. Il semblait, continue Samson, défier non seulement la peur de la mort, mais la mort elle-même. La bascule n'était pas encore débarrassée, le collet nettoyé, qu'il s'avançait. Je l'ai engagé à se retourner pendant qu'on enlevait le cadavre. Il a haussé les épaules avec une expression dédaigneuse. « Un peu plus, un peu moins de sang à ta machine. Qu'importe, » m'a-t-il dit. « N'oublie pas surtout de montrer ma tête au peuple. Il n'en voit pas tous les jours de pareil. » À la présentation de cette fichue tête, on a crié « Vive la République !» mais bien timidement. Antoine de Bec, la mort provoquée par la guillotine est une mort instantanée, presque invisible, mais il y a aussi un avant et un après la mort. Et c'est dans cet espace-là que vous vous situez, que vous avez travaillé. Oui, c'est vrai que la guillotine provoque une mort immédiate, en un instant, donc c'est quelque chose qui est presque inracontable et immontrable. D'ailleurs, ça a été assez peu raconté, assez peu montré, ce moment-là. Mais par contre, ce qui s'étale dans les colonnes et dans les images, ce sont les moments qui précèdent et qui suivent le spectacle donc du supplice. Pour le public, il y a là un instant de vérité. Il s'agit de voir le supplice, mais aussi d'y participer. Et c'est quelque chose de très important. Participer au spectacle de la mort, de la guillotine, c'est en quelque sorte partager un petit peu de cette souveraineté de la nation. C'est-à-dire, c'est participer à la nation, être citoyen, c'est regarder le spectacle de la guillotine. Donc c'est vrai que aussi bien le rituel qui précède la mise à mort que le spectacle qui est donné au moment de la mort et qui le suit sont des moments extrêmement importants dans la vérité du régime de la terreur. Ouais, c'est un spectacle qui relève du rituel, qui relève presque du sacrifice. On a aussi parlé de messe. Oui, c'est un rituel assez sanglant, eucharistique, comme dans la religion catholique, le sang du Christ est extrêmement présent. C'est au nom du sang du Christ que la foi se construit. De la même manière, c'est sur le sang des victimes que la terreur et que le gouvernement républicain se construit. C'est très visible pour le cas de Louis XVI, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie eucharistique, une partie sacrificielle, religieuse, extrêmement importante. L'heure avance où je vais mourir, l'heure sonne et la mort m'appelle. Je n'ai point de lâche désir, je ne fuirai pas devant elle. Je meurs plein de foi, plein d'honneur, mais je laisse ma douce amie. Dans le veuvage et la douleur, ah, je dois regretter la vie. Dans le veuvage et la douleur, je dois regretter la vie. Il y a plusieurs types de morts. Il y a des belles morts qui ont été acceptées comme telles, comme la mort de Danton, par exemple, qui gardait un certain prestige. Et la mort en général des Brissotins, des Girondins, une mort extrêmement stoïque, à l'ancienne, pourrait-on dire. Et puis, il y a des morts qui ont été beaucoup moins acceptées. C'est la mort de Charlotte Corday, par exemple, qui est morte de façon très digne, ou de Marie-Antoinette aussi, très digne devant l'épreuve. Et effectivement, c'était considéré comme une sorte de dernier outrage fait à la nation. Le spectacle du supplice de ces deux femmes, haï, était quelque chose qui devait les humilier encore plus. Or, effectivement, par exemple, Charlotte Corday était extrêmement digne, très courageuse face au supplice. Et on dit que le bourreau a souffleté sa tête en la montrant au peuple pour bien montrer que cette tête était indigne des républicains. Donc l'avant, c'est la charrette qui traverse les rues de Paris sous les invectives de la foule. Oui, la charrette, c'est en quelque sorte, je dirais, la manière de prolonger le supplice. C'est-à-dire qu'il y a une certaine frustration de la nation, du peuple assemblé, face à la mort par la guillotine. C'est une machine qui a été inventée par les savants des Lumières, éclairés, qui voulaient donc supprimer la mort d'Ancien Régime qui pouvait durer des heures et des heures, voire des jours. Or, on s'aperçoit assez vite que tout le rituel qui entoure la mort par la guillotine cherche en quelque sorte à rallonger le supplice dans le temps et dans l'espace, donc que ce supplice, en quelque sorte, que la guillotine couvre une partie de l'espace de Paris et couvre dans le temps une durée, la durée effectivement du trajet en charrette qui durait en général plusieurs heures. Pour aller de la Conciergerie à la place de la Concorde aujourd'hui ou à la place de la Nation, il y avait un monde incroyable et c'est vrai que c'était un trajet qui durait en général 2 ou 3 heures. Et donc déjà on pouvait voir la mort à l'œuvre sur l'attitude des condamnés dans la charrette. Et bien souvent on a interprété cela. La charrette la plus célèbre, c'est celle des Robespierristes, le dit Thermidor en deux, donc près d'une trentaine de Robespierristes, dont Robespierre, son frère, en 3 charrettes. Et la mort était déjà présente, elle était déjà présente avant le supplice. Robespierre était déjà agonisant, et donc on voyait sur les têtes extrêmement déconfites et les corps défaits des condamnés ce que la guillotine allait leur enlever, c'est-à-dire la vie, mais cette mort était là. Et donc on a commenté, on s'est groupé autour de cette charrette, on a beaucoup ri aussi. C'est une exécution, une journée joyeuse dans la topographie parisienne des humeurs à ce moment-là. On peut dire presque que la mort de Robespierre s'est jouée avant son véritable supplice, qui a été aussi extrêmement effroyable, terrible, puisqu'on lui a enlevé la mâchoire. Et donc c'était un monstre, aussi bien physiquement que politiquement, pour l'époque, qui mourait. Donc c'était la mauvaise mort, la mort affreuse qui concluait la carrière du tyran. Donc il y a eu toute une littérature, des images extrêmement importantes, nombreuses, sur cette dernière charrette des Robespierristes, qui a été réinterprétée ensuite par les Robespierristes eux-mêmes au siècle suivant, comme au contraire une sorte d'apothéose, de montée un peu monstrueuse, mais effroyable aussi, mais de montée vers le paradis, vers la gloire posthume. costume. Mais à l'époque, ça a été quelque chose d'extrêmement important, de voir comme ça la mort à l'œuvre dans la charrette. Donc tout le rituel organisait cette mort, était là pour, en quelque sorte, accuser les traits des suppliciés avant même qu'ils montent sur l'échafaud. Bien, là voilà la chose. La chose, vous dites ? Oui, la chose, je l'appelle la chose, puisque avant le passage du docteur Guillotin, cette machine infernale n'était pas appelée la guillotine. On l'a appelée aussi la veuve, on l'a appelée l'abbaye de Montaregret. La Louison, la Louisette, etc., oui. Mais depuis le passage du docteur Guillotin, puisque c'est lui quand même, après avoir maintes fois harangué, si vous voulez, l'assemblée de l'époque, qu'il a pu obtenir, ce docteur Guillotin, que la lame ait cette forme-là, qu'il n'y ait pas de raté possible. La forme en biseau. Hein. Exactement, oui. Alors, Jacques Météraud, nous sommes dans votre musée, le musée Maurice Dufresne à Azay-le-Rideau. Et aux surprises, effectivement, dans ce musée, il y a une guillotine. Alors, on peut se demander, mais comment avez-vous retrouvé une guillotine ? Alors, ce n'est pas tout à fait moi qui l'ai retrouvée, c'est plutôt M. Maurice Dufresne, puisqu'en 1960, ayant participé à la démolition d'une partie du Vieux-Tours, du côté du quartier des Tanneurs, il a trouvé dans une cave qui partait vers la Loire, une cave profonde à étage, si vous voulez, un amas de ferraille et de bois, qu'il a fait charger pêle-mêle, pour décharger aussi pêle-mêle, bien sûr, dans cet établissement de récupération à Villeperdue. Et c'est seulement en 1992, en faisant le tri de tous ces dépôts, qu'il a aperçu cette partie métallique, si vous voulez, cette masse métallique qui avait la forme d'une lame et qui était légèrement courbée. Pendant un moment, il a pu croire qu'il pouvait s'agir d'un socle de charrue, peut-être par déformation, puisque le thème majeur du musée, c'est l'exposition agricole. Et en fin de compte, il s'est aperçu qu'au-dessus de cette masse métallique légèrement donc incurvée, il y avait une autre masse métallique que l'on appelle le mouton, la charge additionnelle, qui fait 125 kg et qui est chargée de pousser la lame vers le bas. Alors, peut-être qu'on peut s'approcher pour comprendre tous les mécanismes de la guillotine, Jacques Météraud. Mais enfin, je dois dire quand même qu'elle est très impressionnante parce qu'elle est sur une charrette, une charrette peinte en vert et en rouge, et avec des dimensions assez grandes quand même. Oui, l'ensemble fait 5-6 tonnes sensiblement et culmine à 5,22 m. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que théoriquement, dans tous les départements sur la Révolution, il y avait une guillotine d'affectée. Or, au niveau de l'Indre... On en a construit donc 83 en 1792. Hein. C'est cela. Donc une par département, comme vous venez de dire. Mais est-ce qu'on peut penser que celle que nous avons sous les yeux est celle de 1792 ? Alors écoutez, le libellé qui est tout à fait simple, qui est exposé ici à l'exposition de nos visiteurs, sur autorisation de la commission d'expertise, qui a été pilotée par un président du tribunal de grande instance honoraire à l'heure actuelle, il s'agirait bien de la guillotine qui a été livrée au département de l'Indre-et-Loire en 1792, qui aurait à son actif recensé entre 100 et 120 têtes, dont celle de l'ancien maire de Chinon. Cette guillotine, ensuite, aurait été modifiée à maintes reprises, réparée et réactivée dans les années 1853. Et ensuite, il semblerait que n'ayant pas été réglé à l'artisan qui l'avait construite, celui-ci l'avait récupérée, démontée et stockée dans une partie du Vieux-Tours. Si ce n'est que je me dois de préciser, c'est que l'ensemble des deux montants ici, de cet échafaud, était de couleur rouge Bigarro mur. Quand vous l'avez retrouvé, c'était rouge encore ? Non, absolument pas. Alors, Bigarro mur, c'est rouge sans veineux, si vous voulez. Quoi qu'il semblerait aussi qu'elle aurait été peinte une fois et ensuite que c'était le sang par lui-même qui teintait le bois. Avril 1793. Les tribunaux révolutionnaires sont mis en place, puis la terreur est à l'ordre du jour. La guillotine devient machine à gouverner. D'elle, on fait l'emblème de la terreur. Et la voilà prière républicaine. Sainte guillotine, protectrice des patriotes, priez pour nous. Sainte guillotine, effroi des aristocrates, protégez-nous. Machine admirable, ayez pitié de nous. C'est l'ivresse de la guillotine. À Paris, 2800 personnes sont exécutées pendant la terreur et la grande terreur. Femmes, enfants, vieillards, impotents et aveugles. Machine catastrophique, qui fonctionne jusqu'à la nausée, comme le dit cette gravure de l'an 3, montrant Robespierre au milieu d'une forêt de guillotines, dans un pays ravagé. Robespierre, guillotinant le bourreau après avoir fait guillotiner tous les Français. Bilan de cet holocauste national, 40 000 morts, dont 18 000 guillotinés, et parmi eux, 15% de nobles et de prêtres et 50% de gens du peuple. Être français, être citoyen, être républicain, c'est aussi pouvoir assister à ça. Et le faire, je dirais, avec conviction, avec sérénité, et avec une certaine joie. Alors c'est une joie qui a été aussi, bien sûr, très vite caricaturée, tirée dans ce qu'elle pouvait avoir de plus pervers et de plus malsain, c'est-à-dire de cette sorte de joie prise au spectacle de la souffrance, qui devait exister, bien sûr. Mais en même temps, c'est devenu une sorte de stéréotype. Vous avez le stéréotype de la tricoteuse, par exemple, qui est cette femme qui, de façon extrêmement naturelle, je dirais, en tricotant, donc en passe son temps devant le supplice, ses journées devant le spectacle du supplice, avec une sorte de tranquillité et en commentant, en faisant des commentaires sur les morts plus ou moins réussies, comme on assisterait au spectacle, je sais pas, de la tauromachie, par exemple. Participer au spectacle de la mort par la guillotine, c'est un des moyens de participer à la souveraineté de la nation pour les femmes. L'appareil sur un théâtre couvert d'un tapis de lin blanc, entre deux colonnes d'albâtre paraît le fatal instrument. La fenêtre en est pure purine, l'ébène en borne le contour. Le désir ouvre la machine, il exécute donc, liberté, égalité, fraternité et guillotine. Bien, vous savez toute l'ambiguïté qu'il y a dans ces formules, dans leur laconisme, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Mais quand on ajoute ou la mort, certaines gloses ou certaines inscriptions ajoutent ou nous la donnerons. Ou la mort, est-ce la mort assumée, c'est-à-dire la mort héroïque, qui est l'autre volet de cette aventure dont vous avez dit qu'elle est sombre, mais elle est en même temps une aventure d'un engagement collectif fantastique de ces masses populaires éveillées. Mais en même temps, bien, la face noire ou le revers de l'héroïsme, c'est ou la mort, ou nous la donnerons. La mort est assumée. Et l'on sait que, au même titre que les volontaires de l'an 2, tous les grands acteurs de la Révolution française, j'entends Robespierre, Saint-Just, mais aussi bien Danton ou Desmoulins, ont vécu tous ces mois de leur engagement dans la perspective de la mort assumée, dont ils savaient qu'elle était imminente au bout de leur chemin. Et cette mort acceptée, assumer, mais c'est aussi la mort donnée de toutes les façons. Et somme toute, la guillotine est à la fois curieusement celle que l'on avait voulu la plus indolore, un frisson, et en même temps celle qui, parce qu'elle était la plus propre à frapper l'imaginaire, est restée comme une des grandes images emblématiques de la période. Victor Hugo, écrit contre la peine de mort, 1851. Nous sommes le 19e siècle, nous sommes le peuple nouveau, nous sommes le peuple pensif, sérieux, libre, intelligent, travailleur, souverain. Nous sommes le meilleur âge de l'humanité, l'époque de progrès, d'art, de science, d'amour, d'espérance, de fraternité. Échafaud, qu'est-ce que vous nous voulez? Ô machine monstrueuse de la mort, hideuse charpente du néant, apparition du passé, toi qui tiens à deux bras ton couperet triangulaire, toi qui secoues un squelette au bout d'une corde, de quel droit reparaissez-vous en plein midi, en plein soleil, en plein 19e siècle, en pleine vie? Vous êtes des spectres, vous êtes les choses de la nuit, rentrez dans la nuit. Est-ce que les ténèbres offrent leur service à la lumière? Allez-vous-en. Pour civiliser l'homme, pour corriger le coupable, pour illuminer la conscience, pour faire germer le repentir dans les insomnies du crime, nous avons mieux que vous. Nous avons la pensée, l'enseignement, l'éducation patiente, l'exemple religieux, la clarté, l'austérité. Jacques Delarue, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un déclin de la guillotine après la période révolutionnaire ? C'est difficile à dire. Il y a un déclin, et enfin, il y a une horreur dans les classes élevées de la société, chez les gens qui sont des administrateurs, qui sont des politiques, sauf Napoléon, qui lui est tout à fait pour. Et quand, par exemple, après une exécution place de grève, c'est-à-dire devant l'hôtel de ville de Paris, qui a été particulièrement pénible, le préfet veut qu'on l'expédie ailleurs, tout ce que Napoléon Bonaparte s'y oppose, et il concède simplement qu'on ne monte plus la machine devant les fenêtres de l'hôtel de ville, mais le long du quai. Mais on a exécuté là pendant des siècles, donc il ne veut pas que ça bouge. Mais tout doucement, on va s'acheminer quand même vers un refoulement de la peine de mort. À la Révolution, il y a déjà beaucoup moins d'exécuteurs. Ils sont 230. C'est beaucoup plus que le nombre des départements, et beaucoup deviennent de simples aides. Et en 57 ans, c'est-à-dire qu'en 1849, on décide qu'il n'y aura plus qu'un exécuteur par cour d'appel, c'est-à-dire qu'on est tombé de 230 à 27. Et en même temps, progressivement, on change les lieux d'exécution et les heures d'exécution. On avant les exécutions qui avaient lieu d'abord sur la place du marché, le jour du marché à 10h30 du matin pour qu'il y ait un grand concours de peuple, puisque la raison de la peine de mort, la justification, c'est qu'elle serait exemplaire. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout vrai. Alors on avance l'heure jusqu'à arriver à 7h du matin, puis à 6h du matin, et puis on déplace les lieux d'exécution. On les excentre, on les envoie vers les faubourgs des villes. C'est le cas aussi à Paris, où on va refouler la guillotine à la barrière d'enfer, c'est-à-dire en gros au boulevard Saint-Jacques d'aujourd'hui, hein, et les condamnés vont être à Bicêtre. Et puis finalement, on va la ramener dans le centre de Paris, on va la ramener à la prison de la Roquette, mais on va guillotiner juste à la porte de la prison, n'est-ce pas, pour que le condamné n'ait que quelques pas à faire. Mais il y a toujours une foule gigantesque. La foule est toujours énorme. Là. Avec des airs d'enterrement, qu'il gèle, qu'il vente ou qu'il pleuve, elle s'habille lentement, la veuve. Les témoins, le prêtre, la loi, voyez, tout est prêt pour la noce. Chaque objet trouve son emploi, ce fourgon noir. C'est le carrosse, tous les accessoires y sont, les deux chevaux pour le voyage, et le grand panier plein de son, la corbeille de mariage. En 1870, Adolphe Crémieux, qui est ministre de la Justice, prend une mesure importante. Il fait supprimer l'échafaud. Absolument. C'est-à-dire que là déjà... là aussi, vous avez parfaitement raison, c'est un moment très important. La guillotine qui était montée sur un échafaud de bois, voilà. Avec d'ailleurs cette particularité que même dans des textes officiels, on met le mot échafaud à la place de celui de guillotine. Bah, bon, et donc, on va couper les têtes au ras du sol, donc ce sera beaucoup moins visible. Il y a d'ailleurs des protestations de journalistes, et non des moindres, et non des moins cultivés, intelligents. Il y en a un qui écrit dans le Figaro que désormais, on va... l'échafaud donnait aux condamnés une certaine dignité, n'est-ce pas ? C'était un homme. Bon, et là, maintenant, on allait lui couper la tête au ras des pourceaux. Et que c'était triste pour le condamné, en somme. Alors, il faut dire aussi que l'année suivante, la commune fait démolir la guillotine et la fait brûler sur la place Voltaire. Bon, ben, l'année suivante, on va en reconstruire une. On fait appeler... en fait construire une seule ? On va en construire deux. Mais on a construit d'abord une... Il y en a une qui restera à Paris et une autre qui sera construite avec un petit fourgon pour la déplacer, pour aller faire des exécutions en province. Puis il va bien falloir que le bourreau national se déplace. On fait venir Berger, qui est l'exécuteur de la Corse, qui est à Bastia, et, parce qu'il est ébéniste en même temps. Et c'est lui qui va avoir le soin, la tâche de construire la guillotine. Car sur le même modèle que celle de la 1792. En perfectionnant un peu, ne serait-ce qu'avec le système de petits ressorts qui sont... cachés sous la lunette, les boudins d'amortissement, le système de déclenchement qui va être plus intelligent, plus perfectionné. Voilà, mais c'est cette machine qui va durer jusqu'au bout. Et on va d'ailleurs l'exhiber complaisamment pour montrer comme maintenant c'est un outil moderne. Parce que le modernisme a toujours hanté législateurs et les gens qui, comment dirais-je, appliquent les lois. Le bourreau qui est devenu national depuis 1871, puisqu'après avoir supprimé les bourreaux départementaux pour qu'il n'y ait plus qu'un bourreau par cour d'appel, on va en 1871 supprimer tout ça, il n'y a plus qu'un bourreau national avec cinq aides, qui font des véritables tournées qui sont extraordinaires, que j'ai reconstituées, ils vont de ville en ville en coupant des têtes, n'est-ce pas ? Une ici, deux là, trois plus loin, enfin, c'est tout à fait étonnant. Et alors là, il n'y en a plus qu'un qui continue à exécuter à mesure qu'on le lui demande, bien sûr. Et il faut attendre le mois de juin 1939, quand on décapite Wedler devant la porte de la prison de... Wedman, je veux dire, devant la prison, porte de la prison de Versailles. Des photographies sont prises, ce n'est pas la première fois, mais là, elles sont particulièrement bonnes, puisqu'on s'est trompé entre l'heure légale et l'heure solaire, qui fait déjà grand jour. Il y a déjà du soleil quand on coupe la tête de Weidmann. Un photographe de l'agence Keystone qui s'est installé à une fenêtre du premier étage d'un café qui jouxtait la porte de la prison Saint-Pierre et qui surplombait, a fait des photos extraordinaires qu'il a vendues un peu partout. Paris Match les a reproduites en grand. Et on a raconté qu'il y avait eu des scènes scandaleuses. Ça n'est pas vrai. On dit que des femmes se sont précipitées avec des mouchoirs pour les tremper dans le sang. Quand on regarde ces photos à la loupe, on s'aperçoit que, d'abord, il n'y a pas beaucoup de monde et il n'y a pas une seule femme dans la foule, la petite foule de 200 à 300 personnes qui est quand même massée là devant la prison, autour de la guillotine. Mais donc, on s'empare immédiatement de ces pseudo-incidents et on décide que les exécutions auront lieu à l'intérieur des prisons. Voilà. Donc, c'est une mesure hypocrite. Parce que déjà, on sait que la peine de mort ne sert à rien, mais on continue malgré tout à utiliser la guillotine en la cachant. Ce qui va être encore plus hypocrite, c'est dans les années 50, quand on va décider qu'il est interdit de rendre compte des exécutions, autrement qu'en reproduisant l'avis officiel collé sur la porte de la prison, qui dit seulement tel jour à telle heure, en exécution de l'arrêt de condamnation à mort de la cour d'assises de temps à telle date, le nommé un tel a été décapité. Parce qu'on dit qu'il a été exécuté. Non, c'est le jugement qui est mis à exécution. On n'est pas le condamné, il est décapité, lui. Alors donc, on continue à refouler, mais ce sont des mesures qui ne touchent pas au principal. Et puis, on assiste quand même à une diminution considérable du nombre des exécutions. Et à un moment donné, on n'exécute plus personne pendant 3 ou 4 ans, et on se décide enfin, grâce à Maître Badinter, qui a consacré une partie de sa carrière à ce combat contre la peine de mort, et qui enfin obtient la suppression de la peine de mort. Il faut le dire d'ailleurs dans des conditions tout à fait remarquables, puisque aucun groupe politique de l'Assemblée nationale n'avait donné de consigne, et que la plupart des députés, quelle que soit leur appartenance politique, ont voté pour la suppression de la peine de mort. Et ça, à mon avis, c'est le plus grand succès que Maître Badinter ait pu remporter dans cette affaire. Lundi 30 septembre, dernier jour de lutte. Demain, à cette heure-ci, je serai au ciel. Mon avocat vient de venir m'avertir que l'exécution aurait lieu demain vers les 4 heures du matin. Le soir tombe et je me sens triste. Triste. La mort approche et ma joie est partie. Bien que je n'aie pas peur. Septembre 1981. Bonjour. La peine de mort est abolie en France. Robert Badinter a gagné la première partie de son combat. Son projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale par 363 voix contre 117. En 3 mois, Robert Badinter, ministre, réalise donc le rêve d'une vie de lutte de l'avocat, supprimer la peine capitale. Il fallait l'abolition, parce que cette nouvelle justice ne pouvait pas vivre sous le signe de la guillotine. Donc c'est à la fois une page qui commence et une nouvelle longue marche qui s'ouvre. Plus que 5 heures à vivre. Dans 5 heures, je verrai Jésus. Je crois que je vais arrêter ce journal là où il en est, vu que j'entends des bruits inquiétants. Pourvu que je tienne le coup, Sainte Vierge, à moi, adieu à tous, et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on va ressortir une guillotine pour le bicentenaire de la Révolution, Jacques Delarue ? Et non, pas du tout. On l'a au contraire occulté tant qu'on a pu. Mais il y a eu quand même deux phénomènes tout à fait intéressants, qui rappellent d'ailleurs ceux qui se sont produits pendant la Révolution. C'est qu'on a refabriqué des petits bijoux en forme de guillotine ou en forme de couperet avec des gouttes de sang faits par de l'émail ou des choses de très bon goût. Et qu'un certain nombre de gens qui fabriquent les fèves pour la galette des rois ont fait des petites fèves en forme de guillotine ou en forme de couperet. Donc c'est difficile d'évacuer la guillotine de notre mémoire collective. C'est difficile et faut-il l'évacuer complètement ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut ou non conserver des souvenirs de cette longue période où on appliquait par exemple la peine de mort pour le vol. On a pendu des gens pour le vol de quelques mouchoirs. On a condamné à mort François Salmon parce qu'elle avait voulu de mouchoirs brodés à sa maîtresse. On a pu la sauver, mais enfin, il s'en est fallu de peu. Il ne faut pas oublier que la peine de mort est une peine très facile à appliquer. C'est beaucoup plus facile de tuer quelqu'un, le pendre ou le décapiter, que de le garder en prison. Ça coûte cher de le garder en prison, c'est compliqué. Donc c'est la facilité d'exécuter les gens. Fin 1988, un sondage disait que 72 à 74% des Français étaient pour la peine de mort. Mais j'en suis certain, j'en suis sûr que si on refaisait un sondage actuel, jamais aucun sondage grand public n'a montré une adhésion de la masse des Français à la suppression de la peine de mort. Mais vous savez, il en est pour beaucoup de la même façon. Si on devait tout régler sur les sondages, je ne sais pas trop dans quelle société on vivrait quand même. Guillotiné à Paris le 17 mars 1964. Anama Raymond, 39 ans, célibataire, ouvrier agricole, guillotiné à Fort-de-France le 17 juin 1964. Actis Robert, 26 ans, célibataire, ouvrier spécialisé, guillotiné à Lyon le 27 juin 1964. Mazouz Gaouti, 45 ans, célibataire, sans profession, guillotiné à Lyon le 27 juin 1964. Lambert, 28 ans, marié. Après avoir été l'instrument politique de la terreur, sous le directoire, la guillotine va retrouver son rôle au sein de la justice pénale. Et pendant plus d'un siècle encore, elle sera le garant de l'ordre social. Pendant les 150 ans, qui vont de 1827 à 1977, il y aura 2200 exécutions pour crimes de droit commun. Qui sont ces condamnés à mort ? Ce sont le plus souvent des hommes, dont la moyenne d'âge est de 32 ans, avec une forte proportion de travailleurs manuels, issus le plus souvent de milieux populaires. 40% d'entre eux sont nés à l'étranger. Aucune femme ne sera guillotinée après 1950. Ainsi, qu'elle soit politique ou instrument d'une justice de classe, la guillotine aura marqué une nette préférence pour les têtes populaires. Dans les dernières années de son règne, elle aura frappé pour satisfaire la raison d'État, nourrir certains appétits politiques et alimenter quelques vieux démons sur l'exemplarité. La dernière guillotine qui était en fonction à Paris a été démontée, elle est roulée dans des couvertures. Théoriquement, elle figure sur l'inventaire, d'ailleurs elle figure sur l'inventaire du Musée des Arts et Traditions Populaires, mais on a renoncé à l'y amener parce que le personnel y était tout à fait hostile. Il y a notamment du personnel antillais qui a dit que si on amenait ça dans la maison, il y aurait des fantômes partout. Et donc on l'a roulée et on l'a cachée dans un fort désaffecté de la banlieue nord de Paris. Et officiellement, personne ne veut dire où elle est. Bon, je le sais où elle est. Enfin, comme on me l'a confié sous le sceau du secret, je ne vous le dirai pas non plus. Mais par contre, il y en a une qui est parfaitement en état de fonctionnement, qui est dans une sorte de musée qui s'appelait Musée de Justice et Châtiment et qui s'appelle maintenant seulement Musée de la Justice, qui est installée dans le Vaucluse. Et le propriétaire et le créateur de ce musée, assez atroce parce qu'on a collectionné tous les objets de torture et d'exécution collectés à travers toute l'Europe, c'est le fils de l'ancien bourreau d'Alger, c'est le dernier qui a fonctionné. Et la machine est montée et il l'a fait fonctionner à la demande. Il existe aussi des guillotines miniatures qu'on peut voir au musée de la justice. Hein. Ah, vous en avez une ici. Celle que j'ai ici est une petite machine qu'on m'a envoyée toute montée, mais qui se vend aux États-Unis, ainsi d'ailleurs que la potence ou la chaise électrique. On vend ça en petits morceaux, on offre ça aux petits enfants d'une douzaine, 12-14 ans, qui les montent et puis qui les peignent ensuite. Ça me rappelle, là, votre petite guillotine miniature, ça me rappelle que pendant la Révolution, il y avait des jouets comme ça. Bien sûr. Et que les enfants jouaient à décapiter des petits moineaux. Qui décapitaient des petits oiseaux. Et oui, que les autorités s'étaient inquiétées de ça. Oui, quand même. Oui, absolument, absolument. Personne n'a jamais eu, au fond, la conscience tout à fait en paix avec ça. Tout le monde sait bien que c'est une saleté. C'est une saleté française. Oh non. C'est quand même nous qui l'avons perfectionnée comme ça. Non, mais... Madame, il n'y a pas de bon moyen de tuer les gens, n'est-ce pas ? Dans les autres pays, on les tue autrement. Bon, et on a toujours, partout, appliqué la peine de mort. Ce n'est pas la façon de l'appliquer qui est terrible, c'est que la peine de mort existe. Ranucci Christian, 26 ans, célibataire, représentant, guillotiné à Marseille le 28 juillet 1976. Carin Jérôme, 35 ans, divorcé, sans profession, guillotiné à Douai le 23 juin 1977. Djandoubi Hamida, 28 ans, célibataire, sans profession, ancien ouvrier agricole, guillotiné à Marseille le 10 septembre 1977. La guillotine, avec Michel Vauvel, historien, directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution, auteur de « La mentalité révolutionnaire » aux éditions sociales et de « La mort et l'Occident » chez Gallimard. Daniel Arras, historien, auteur de « La guillotine et l'imaginaire de la terreur » édition Flammarion. Jacques Delarue, historien, auteur du « Métier de bourreau » chez Fayard. Antoine Debecq, critique et écrivain, « Le corps de l'histoire » chez Calman Lévy et « La gloire et l'effroi » chez Grasset. Jacques Météraud, conservateur du musée Maurice Dufresne à Azay-le-Rideau. Merci à Jean-Michel Bessette, auteur de « La guillotine » aux éditions Alternatives. Texte Victor Hugo et Bernard Le Cherbonnier, dit par Bernard Brieux. Journal de Jacques Fesch, dit par Luc Redel. Attention, je vais vous blesser. Non, je pense à ce que disait le père Guillotin. Hein? On ne sent rien quand le coup retombe, rien. Une agréable sensation de fraîcheur. Christian Keller, Olivier Dupré, Pascal Rayet, Anis Clément. Thank you. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 novembre 1997.